بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc le cours 75 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Sal, Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, l'imam, dans son livre Kitab al-Tawhid, avec les commentaires de son petit-fils Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh, et les commentaires du Sheikh Salih al-Fawzan de ce charh. Donc, on est arrivé maintenant dans le cours 75 à l'explication du hadith. L'explication du hadith dans le chapitre 6, Bab tafsir al-Tawhid wa shahadati an la ilaha illallah. C'est-à-dire le chapitre au sujet de l'explication du tawhid et du témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et le hadith. Donc on a expliqué les cinq versets, donc le verset 57 dans sourate Al-Isra, le verset 26 et 27 dans sourate Az-Zukhruf, le verset 31 dans sourate At-Tawba, et le verset 165 dans Sourate Al-Baqarah. Donc 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 4 versets. Et là maintenant c'est le hadith. Donc le hadith que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab a rapporté, c'est un hadith. C'est le hadith suivant, on va le mentionner. Il est rapporté par l'imam Muslim. Et il dit, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Et ensuite l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit, wa sharhu hadhihi at-tarjama wa ma ba'daha min al-abwab, wa sharhu hadhihi at-tarjama ma ba'daha min al-abwab. Donc il dit, donc l'imam Muslim dans son sahih, il a rapporté que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque dit la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et qui renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors son bien et son sein sont sacrés. Et son jugement incombe à Allah. Et l'explication, le charh, c'est-à-dire l'explication de ce titre qu'on vient de mentionner, c'est-à-dire l'explication du tawhid et du témoignage de la ilaha illallah, eh bien, il est expliqué dans tout ce qui suit, dans les chapitres suivants, c'est-à-dire dans tout le reste du livre. Il y a la clarification et l'explication du témoignage de la ilaha illallah et de ce que ça signifie. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire. Donc, on va commencer par le commentaire du Cheikh Al-Fawzan avant de lire le charh ou l'explication du Cheikh Abdurrahman. Et après on lira le charh du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, même si d'habitude on fait le contraire, c'est-à-dire on lit la parole du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, ensuite on lit la parole du Cheikh Al-Fawzan à propos de cette parole-là. Étant donné que le Cheikh Al-Fawzan, il a fait le commentaire du hadith directement, donc on va commencer tout de suite avec l'explication du Cheikh Al-Fawzan. Donc Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il dit, ثم أعقب ذلك رحمه الله بالحديث الصحيح في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح يعني صحيح مسلم عن طارق بن أشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. تعلق تحريم الدم والمال بشيئين، الأول النطق بلا إله إلا الله، والشيء الثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فلا يصح النطق بلا إله إلا الله من غير كفر بما يعبد من دون الله. فمن اعتقد أنه لا إله إلا الله بقلبه ولكن لم ينطق بلسانه هذا ليس بنطق وهذا وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق أو ولو لم ينطق فلا بد من النطق والتصريح بأن يقول لا إله إلا الله، ولا يكفي هذا، بل لا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله. فالذي يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله من الأولياء والصالحين والقبور والأشجار والأحجار، هذا ليس من أهل التوحيد وليس بموحد، بل هو مشرك، وإن كان يقول لا إله إلا الله، لأنه ناقض قوله بفعله. ولهذا قدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا يكفي الإيمان بالله دون الكفر بالطاغوت. فالذي يقول أنا أعبد الله وأخلص أنواع العبادة لله، ولكن هؤلاء الذين يدعون القبور والأضرحة لا أحكم عليهم بالكفر ولا الشرك، ويواليهم ويحبهم ويتبرأ منهم، فهذا ليس بموحد، لأنه لم يتبرأ من الشرك ولم يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، ولم يجعل النطق بها كافيا، ولم يجعل الكفر بما يعبد من دون الله كافيا بالقلب دون النطق، بل لا بد من الأمرين: النطق باللسان والعمل بمعنى لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله، أعتقد بطلانه وأتبرأ من أهله. وهذا هو تفسير التوحيد، قول لا إله إلا الله مع الكفر بما يعبد من دون الله. فلا إله إلا الله كما سبق لكم لا تنفع إلا بسبعة شروط. Donc on va s'arrêter ici, puis on va expliquer la suite après. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique qu'il a donc continué ou complété l'explication du hadith maintenant, qui est un hadith authentique dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il dit dans le sahih, c'est-à-dire un hadith rapporté par l'imam muslim dans son sahih, selon Tariq ibn Ashyam, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque dit que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et qui renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sein et ses biens deviennent sacrés et son jugement incombe à Allah. Et donc, il a relié le fait que le sein et les biens soient sacrés à deux choses. La première, le fait de prononcer que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, c'est-à-dire en arabe, la ilaha illallah. La deuxième chose, c'est le fait de renier ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc il faut absolument qu'il y ait la prononciation du témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, c'est-à-dire la ilaha illallah. Et il dit que si la personne qui dit la ilaha illallah, en même temps, elle n'a pas renié ce qui est adoré en dehors d'Allah, eh bien, son témoignage ne sera pas valide. Donc il faut qu'elle renie ce qui est adoré en dehors d'Allah, en plus du témoignage de la ilaha illallah. Il dit, le cheikh, que, par exemple, celui qui croit en la ilaha illallah avec son cœur, mais qui ne l'a pas prononcé avec sa langue, alors il dit, dans ce cas-là, c'est pas valide. Et c'est une réfutation ici de ce que croient les gens de la secte des Mourji'a. Ceux qui disent que la foi, c'est seulement de reconnaître la véracité de l'islam par le cœur. De reconnaître la vérité de l'islam par le cœur seulement, même si la personne ne prononce rien et ne fait rien de la religion. Et donc ici, on voit clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné explicitement le fait de dire la ilaha illallah, et que c'est une condition, et que si la personne ne le dit pas ou ne le déclare pas, ou avec sa langue ou avec sa bouche, eh bien, ce ne sera pas hein, considéré comme une personne qui est musulmane. Donc, les Murji'a, ils disent la foi, c'est seulement le fait de reconnaître que quelque chose est vrai par le cœur, même si la personne, elle ne dit rien, même si la personne, elle ne prononce rien. Hein. Et le Cheikh, il dit, « وَالتَّصْرِيحُ بِأَنْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ هَذَا لَا يَكْفِي » Même le fait de dire « La ilaha illallah », ce n'est pas suffisant non plus. Parce que il faut également renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Hein, c'est comme, par exemple, il y a des gens qui vont dire « La ilaha illallah » et puis ensuite, ils vont aller adorer d'autres que Allah en même temps. Hein. Ils disent « La ilaha illallah » puis après, ils prient à des saints, ils prient à des hommes pieux, ils prient à des tombes, ils prient à des arbres, à des pierres. Hein, ils adorent toutes sortes d'autres choses en dehors d'Allah. Puis ils disent « La ilaha illallah ». Et donc le cheikh, il dit, dans ce cas-là, ces gens-là, hein, ils ne sont pas parmi les gens du tawhid. Ils ne font pas partie des croyants. Ils ne font pas partie des gens qui sont sur l'unicité d'Allah et sur le monothéisme. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, hein, ils continuent à faire du shirk. Même s'ils disent « La ilaha illallah », ça ne compte pas. Donc ce sont des mushrikines, même s'ils disent « La ilaha illallah ». Pourquoi ? Parce que pour faire partie des gens du tawhid, il ne faut pas contredire notre parole par nos actions. Donc si quelqu'un, il contredit sa croyance et il contredit ce qu'il déclare par ses actions en faisant du shirk, parce qu'il n'a pas renié tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, il n'a pas renié le tarot, eh bien dans ce cas-là, il n'est pas considéré comme un croyant, comme un vrai musulman. Et même que dans le verset, dans Surat al-Baqarah, le verset 256, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là, ce qui indique qu'il faut renier même le tarot, c'est-à-dire les idoles et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, il faut le renier avant même la déclaration de la foi, ou bien avant même d'avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que quelqu'un ne sera pas du tout considéré comme étant un croyant tant qu'il n'a pas renié tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Parmi les choses que les êtres humains adorent, parmi les créatures qu'ils adorent en dehors d'Allah, comme les chrétiens par exemple qui prient à Jésus, hein, les hindous qui prient à toutes sortes d'autres divinités, hein, les soufis ou les gens de bid'a qui prient à des tombes ou à des saints, hein, ou à des morts, des gens qui, par exemple, parmi les bouddhistes ou les gens qui croient en toutes sortes de religions animistes, qui prient à des esprits ou qui prient soi-disant à l'esprit de leurs ancêtres, hein, qui prient à leurs ancêtres, à leurs grands-parents ou autres. Et tout ça, ça rentre dans le shirk. Ceux qui prient à des djinns, qui prient à des anges, qui prient à des esprits, qui prient la nature, il y en a qui prient le soleil, qui prient la lune, qui prient le cosmos ou l'univers, hein, l'esprit universel, peu importe qu'est-ce qu'ils adorent en dehors d'Allah parmi les créatures, tout ça, ça rentre dans le shirk. Et celui qui n'a pas renié tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, eh bien, il n'a pas effectivement cru en la réalité de la foi en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il prétend dire la ilaha illallah avec sa langue, eh bien ça ne va pas compter. Et donc, ça veut dire que la foi, hein, pour que ce soit une foi réelle, il faut dire la parole de la foi, de la ilaha illallah, et en même temps renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Hein. Et donc le cheikh, il dit par exemple, ici, il n'est pas suffisant, hein, il n'est pas suffisant pour quelqu'un d'avoir la foi en Allah ou de dire je crois que Allah existe ou je crois en Allah, mais en même temps il n'a pas renié ce qui est adoré en dehors d'Allah, hein, c'est-à-dire le tarot, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ou de dire j'adore Allah, hein. Donc celui qui dit j'adore Allah et je lui purifie les formes d'adoration, hein, je purifie mes adorations pour Allah, mais en même temps, ils vont prier à des tombes ou ils vont prier à des saints. Hein, Et yani, subhanallah. Donc c'est ça. Donc il y a des gens par exemple qui vont dire oui, moi j'adore que Allah, je ne fais pas de shirk. Hein, j'adore pas d'autre que Allah. Et toutes mes adorations, je les offre uniquement à Allah. Sauf que quand il est le temps, quand c'est le temps de juger par rapport à ceux qui font du shirk, hein, parmi les gens qui se disent musulmans et qui adorent les tombes ou qui prient à des morts, hein, tu lui demandes, ok, qu'est-ce que tu dis de ceux qui adorent des tombes, hein? Il dit, ah, moi je dis pas que ce sont des koufars, moi je juge pas que, hein, ils sont dans le shirk, hein, et ainsi de suite. Donc ça, il y a un problème ici. Il y a un problème ici parce que le cheikh, il dit, yani, le fait que la personne, elle ne s'est pas désavouée d'eux, eh bien, elle n'est pas considérée comme étant un croyant dans ce cas-là. C'est-à-dire que même si toi-même, tu ne pratiques pas le shirk, et tu ne fais pas de shirk, et tu n'adores pas rien d'autre que Allah, mais que tu approuves, et que tu agrées, et que tu es satisfait de ceux qui font le shirk, et que tu ne veux pas les condamner, ou tu ne veux pas déclarer que ce qu'ils font c'est du shirk ou du kufr, hein, et que tu ne te désavoues pas d'eux, alors dans ce cas-là, ça signifie que tu es d'accord avec eux, tu approuves ce qu'ils font, et par conséquent, celui qui approuve le shirk, ou qui est d'accord du shirk, avec le shirk, et qui est satisfait du shirk, eh bien, il n'est pas un musulman, il n'est pas un croyant, il n'est pas un muwahhid. Tant qu'il ne s'est pas désavoué du shirk et de ceux qui le font. Donc le cheikh il dit, لِأَنَّهُ لَمْ يَتَبَرَّأْ مِنَ الشِّرْكِ وَلَمْ يَكْفُرْ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Donc tu n'as pas renié tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et tu n'as pas renié ceux qui, hein, adorent d'autres avec Allah ou en dehors d'Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit que c'était suffisant de dire la ilaha illallah seulement. Hein, parce que si c'était le cas, yani, dans ce cas-là, ceux qui font du shirk, hein, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui acceptaient que Allah c'est le seul maître, le seul créateur et ainsi de suite. Mais ils faisaient du shirk en associant d'autres avec Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a considérés comme étant des mushrikines et les a combattus. Donc ce n'est pas suffisant de seulement dire que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul créateur ou le seul maître. Il faut en même temps s'abstenir et rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc le fait de prononcer le témoignage de la ilaha illallah, ce n'est pas suffisant. Et il dit وَلَمْ يَجْعَلِ الْكُفْرِ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَافِيًا بِالْقَلْبِ دُونَ النُّطْقِ. Donc ce n'est pas suffisant non plus de renier tout ce qui est en dehors d'Allah seulement par le cœur, sans le prononcer avec la langue. Il faut les deux en même temps. Le fait de prononcer le témoignage avec la langue et de le mettre en pratique, hein, de mettre en pratique la signification de la ilaha illallah, et de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est-à-dire je crois que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux, et je m'en désavoue, et je me désavoue des gens qui le font aussi. Donc ça c'est la définition du tawhid et de la parole de la ilaha illallah, en reniant tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc la ilaha illallah, comme on l'a expliqué, pour que ce soit une parole qui sera bénéfique pour nous au jour de la résurrection, eh bien il y a sept conditions à respecter pour que ce témoignage-là soit valide, et on a déjà expliqué ces conditions-là dans les cours précédents. Et le cheikh il dit أولها أن يكون عارفا بمعناها والثاني أن يكون عاملا بمقتضاها هذه أهم شروط لا إله إلا الله وإلا مجرد الكلام وترديد لا إله إلا الله وهو لم يترك عبادة غير الله أو تركها ولم يتبرأ من الشرك وأهله فهذا لا يعتبر من أهل التوحيد ولا تنفعه لا إله إلا الله وهذا بيان عظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم وقيد ثقيل لهذه الكلمة لأنه ليس المقصود مجرد النطق بها بل لا بد من العمل بمدلولها وهو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. فالذي يدعو الناس إلى لا إله إلا الله يجب أن يبين لهم معناها ويبين لهم مقتضاها ويبين لهم بقية الشروط، لا تكفي المجملات. اليهود يقولون لا إله إلا الله وهم يعبدون عزيرا، والنصارى يقولونها وهم يعبدون المسيح ابن مريم، وعباد القبور كلهم يقولون لا إله إلا الله ولهم أوراد صباحية ومسائية ويقولون لا إله إلا الله بالمئات وبالآلاف صباحا ومساء، ولكن هذا ولكن مع هذا يعبدون القبور ويذبحون لها وينظرون لها. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ Donc le cheikh il explique que parmi les sept conditions de la ilaha illallah, il y a la première qui est de la dire en connaissant sa signification, hein, d'avoir la connaissance de sa signification. Et la deuxième condition, c'est que tu agisses selon ce qui est impliqué, hein, par ce témoignage de la ilaha illallah. Et ça, c'est les deux plus importantes parmi les conditions de la ilaha illallah. Et le cheikh, il dit, il dit ensuite que la ilaha illallah, donc c'est pas juste de dire cette parole-là. Il dit parce que si c'était juste de la prononcer et de la répéter, hein, de dire la ilaha illallah, sans comprendre et sans délaisser ce qui est adoré en dehors d'Allah, hein, ou bien de délaisser ce qui est adoré en dehors d'Allah, mais de pas se désavouer du shirk et des gens qui font le shirk, eh bien, dans ce cas-là, yani, cette personne qui est comme ça, elle ne peut pas être considérée comme faisant partie des gens du tawhid. Et le fait de dire la ilaha illallah ne sera pas bénéfique ou profitable pour cette personne-là. Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre ça, parce qu'il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui ont du mal à le comprendre. Hein? Et il dit, et ça, c'est une grande explication de la part du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une restriction qui est lourde en signification pour cette parole de la ilaha illallah. Et il dit que, yani, pourquoi? Parce que le but de dire cette parole, c'est pas seulement de la prononcer, mais plutôt de la mettre en pratique, hein, et d'appliquer ce que cette parole indique au sujet du fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et de rendre l'adoration exclusive pour lui seul, et de délaisser l'adoration de tout ce qui est en dehors de lui. Donc celui qui va par exemple adorer, hein, donc celui qui va adorer par exemple toutes sortes de divinités, ou qui va adorer toutes sortes qui va adorer des morts, des tombes ou des choses comme ça, il dit ben moi je dis la ilaha illallah, mais j'adore quand même les hommes pieux parce qu'ils me rapprochent d'Allah, ou bien je les prends comme des intermédiaires, je les adore pas, hein. Tout ça c'est des exemples de shirk aussi. Et le cheikh, il explique également que les gens qui font la da'wa et qui invitent les gens à la ilaha illallah, c'est obligatoire pour eux de clarifier la signification de la ilaha illallah aux gens. Et d'expliquer aux gens ce que la ilaha illallah implique, hein, ce que ça a comme implication. Une fois que tu dis la ilaha illallah, qu'est-ce qui découle de ça? Qu'est-ce que tu dois faire par la suite? Est-ce qu'une fois que tu l'as dit, ça y est, après tu peux dire ce que tu veux? Est-ce que après tu peux faire ce que tu veux? Bien, alaykoum salam wa rahmatullah. Bien sûr que non. Hein? Une fois que tu as dit la ilaha illallah, eh bien là, il y a des choses que tu dois respecter. Il y a des choses qui sont impliquées avec ça. Et le cheikh, il dit ensuite, regardez par exemple, si quelqu'un, il va appeler les gens à l'islam, il va les appeler à dire la ilaha illallah, mais il ne leur explique pas les conséquences ou bien qu'est-ce qui est impliqué par la ilaha illallah, et qu'il ne leur explique pas les conditions de la ilaha illallah. Il dit ça, c'est pas suffisant. Il faut expliquer aux gens les conditions de la ilaha illallah et la signification et qu'est-ce qui est impliqué. Il dit de parler de façon générale et de dire des généralités, il dit ça, c'est pas suffisant. Il dit, si on regarde les juifs, ils disent la ilaha illallah, alors qu'ils adorent Uzair. Hein, et ils prient à leurs hommes pieux et à leurs tombes et à leurs prophètes. Les chrétiens, ils disent « La ilaha illallah » aussi. Hein, allez demander à des chrétiens, il y a combien de dieux ? Ils ne vont pas vous dire autre chose qu'il n'y a un dieu, il n'y a qu'un seul dieu unique. Et c'est écrit dans leur livre. Sauf que dans la réalité, dans leur croyance et dans leur pratique, il y a plein d'exemples de shirk. Ils prient à Jésus et d'autres, il y en a d'autres parmi eux aussi qui prient à Marie, qui prient à des saints. Hein. Les adorateurs des tombes, parmi ceux qui disent « La ilaha illallah » et qui sont musulmans, ils adorent des tombes. Ils prient à des morts. Et pourtant, ils disent « La ilaha illallah » jour et nuit. Le cheikh, il dit là, ils ont des awrads. Hein. Ils ont des séries de dua qu'ils récitent jour et nuit, matin et soir, dans lesquelles il y a les mentions de toutes sortes de paroles. Et parmi ces paroles, « La ilaha illallah », ils le répètent des fois 100 ou 1000 fois par jour. Et malgré ça, ils adorent les tombes, ils font des sacrifices aux tombes et ils font des vœux aux morts et ainsi de suite. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça signifie « La ilaha illallah » ? Donc ça, c'est le commentaire que Cheikh Al-Fawzan a fait à propos de ce hadith. Et maintenant, on va lire qu'est-ce que le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan a dit par rapport à ce hadith-là. Donc, il dit « وقوله في الصحيح يعني أي في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبي مالك الأشجعي il dit « وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وأبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفي ثقة مات في حدود الأربعين ومائة وقوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم بأمرين في هذا الحديث الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو قيد في قولها أو قيد كما هو يعني قيد في قولها في غيرها ما في غير ما حديث والثاني يعني الكفر بما يعبد من دون الله ولكن ذكر في هذا الحديث وكفر يعني تأكيدا لما دلت عليه لأن المقام عظيم يقتضي التأكيد وقال وقوله حرم ماله ودمه وحسابه على الله فيه دليل على أنه لا يحرم ماله ودمه إلا إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فإن قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله فدمه وماله حلال ولكن لكونه لم ينكر الشرك ولم يكفر به ولم ينفه كما نفته لا إله إلا الله فتأمل هذا الموضع فإنه عظيم النفع donc ici le cheikh il explique que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith qui est rapporté par, dans le sahih de l'imam muslim selon Abu Malik al-Ashja'i selon son père, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit qu'Abu Malik, son nom c'est Sa'd ibn Tariq, c'est un Koufi de la ville de Koufa, et il est fiqa, il est fiable, honnête. Il est mort dans les limites de l'an 140, autour de l'an 140, après la Hijra. Et il dit, dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit « La ilaha illallah » et qui renie ce qui est adoré en dehors d'Allah, il dit, le cheikh, sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rattaché la protection des biens et du sang, hein, et le fait que c'est sacré, ça c'est rattaché à deux choses, comme c'est mentionné dans le hadith. La première, le fait de prononcer la parole de la ilaha illallah avec science et certitude, comme cela a été mentionné avec les conditions dans les chapitres précédents. Et la deuxième condition, le fait de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Sauf que, ici dans ce hadith, il a dit, et de renier, hein, al-kufr, le fait de rejeter. Et ça, c'est pour confirmer ce qui est expliqué dans le hadith, parce que c'est important ici de confirmer. Il dit, le cheikh, ensuite, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans ce cas-là, s'il a fait ça, il a respecté ces deux conditions, eh bien, son sang et ses biens seront sacrés et protégés. Et son jugement incombe à Allah. Hein? Et ça, c'est la preuve qu'il n'est pas suffisant pour que le sang d'une personne soit yani, sacré et protégé et ses biens. Il faut pas seulement qu'il dise « La ilaha illallah », mais il faut qu'il renie également tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc, celui qui dit « La ilaha illallah », mais qui ne renie pas ce qui est adoré en dehors d'Allah, ça veut dire que son sang et ses biens sont halal dans ce cas-là. Et il dit, sauf que, hein, pourquoi? Parce qu'il n'a pas renié le shirk. Il n'a pas renié le shirk et il ne l'a pas rejeté. Et il dit, donc, il n'a pas nié ce que la ilaha illallah est venu nier. Donc, il dit, médite sur ce point-là, parce que c'est très bénéfique de le comprendre. Ensuite, il dit, « Wa qala shaykhuna, wa hadha min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah, fa innahu lam yaj'al al-talaffuz biha asiman lid-dami wal-mal, bal wala ma'rifata ma'naha ma'a lafziha, bal wala al-iqrar bi-dhalik. » بل ولا كون ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له وعليكم السلام ورحمة الله بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه فيا لها من مسألة ما أجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع للمنازع انتهى كلامه. Donc ici, le cheikh, il cite la parole de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il dit, notre cheikh, il dit, c'est-à-dire que يعني, donc ce hadith-là, c'est يعني, parmi les choses les plus grandes qui expliquent la signification de la ilaha illallah. Parce que il clarifie que le fait de prononcer la ilaha illallah, hein, c'est pas suffisant pour que ton sang et tes biens soient protégés. Et même le fait de le connaître dans sa signification, en plus que tu le prononces, ça non plus c'est pas suffisant. Hein? De même que le fait de le déclarer, c'est pas suffisant dans le sens que il faut absolument que tu te désavoues et que tu renies ce qui est adoré en dehors d'Allah et que tu te désavoues de ceux qui font le shirk également, comme on l'a expliqué. Hein? Il dit, bal wala kawnuhu la yad'u illallah. C'est-à-dire que même si tu dis, j'adore pas d'autre que Allah, et je dis la ilaha illallah et j'adore pas d'autre que Allah, et je renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, sauf que quand tu vois des gens qui font le shirk, tu dis, ben, ils ont le droit, c'est correct, ils font qu'est-ce qu'ils font, hein, c'est pas du shirk qu'est-ce qu'ils font, ou bien c'est correct qu'est-ce qu'ils font. Dans ce cas-là, c'est également, hein, quelque chose qui annule ce témoignage-là. Et le cheikh, il dit, et si tu as un doute ou une hésitation, hein, à propos de ça, eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire que ton sang et tes biens ne seront pas sacrés dans ce cas-là. Donc, il dit, tu vois que ça, c'est une grande question, très très importante, et comme il est clair ce hadith pour clarifier justement cette signification là, et comme cet argument ou cette preuve, elle est tranchante pour les gens qui veulent disputer sur ce sujet là. Donc ça, c'est la fin de la citation. Puis il dit ensuite, wa qawluhu wa hisabuhu ala Allah azza wa jal, ay Allah ta'ala huwa alladhi yatawalla hisabahu fa in kana sadiqan jazahu بجنات النعيم وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر. Donc il dit, et son jugement incombera à Allah, c'est-à-dire c'est Allah qui va le juger au jour de la résurrection. S'il était sincère, Allah va le récompenser par les jardins du délice, tandis que si c'était un hypocrite, il sera châtié du châtiment douloureux. Et il dit, en ce qui concerne la dunya, eh bien, le jugement est selon ce qui est apparent. Et le cheikh, il termine ce chapitre en disant, وقوله وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب فقد ذكر فيها رحمه الله ما يبين التوحيد وما ينافيه وما يقرب من الشرك وما يوصل إليه من الوسائل وبيان ما كان عليه السلف من بعدهم عن الشرك في العبادة وشدة إنكارهم له وجهادهم على ذلك وقد جمع هذا الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لا يعذر أحد عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبر وكذلك الرد على أهل الأهواء جميعهم فمن حفظه واستحضره وجد ذلك واستغنى به عن غيره في الرد على كل مبتدع فتدبره تجد ذلك بينا وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى. Donc le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan rahimahullah, il explique donc la dernière parole de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab dans la fin du chapitre ici, c'est le chapitre 6. Il explique que l'explication de ce titre, le titre de ce chapitre, hein, c'est-à-dire l'explication du tawhid et du témoignage de la ilaha illallah, eh bien il va suivre dans les autres chapitres par la suite jusqu'à la fin du livre. Ça va expliquer la signification du tawhid. Donc le cheikh il dit, donc ce qu'il a mentionné ici, ça clarifie le tawhid et ça clarifie également ce qui vient annuler le tawhid et ce qui rapproche du shirk ou ce qui est un moyen qui peut ramener vers le shirk. Donc il y a également la clarification de ce que les salafs avec composition par rapport à ce sujet-là et leur éloignement de tout ce qui est shirk dans l'adoration et leur condamnation sévère et leur lutte contre le shirk. Hein? Et également, il a rassemblé donc dans ce livre-là, malgré que c'est un livre qui est résumé, il a expliqué bien comme il faut le tawhid dedans et il a ramené dedans ce qui est nécessaire à connaître pour chaque personne. Il n'y a pas d'excuse pour quelqu'un de ne pas connaître ce qu'il y a dans ce livre-là et de l'étudier, de le chercher et de réfléchir sur ses significations. De même que dans le livre, il y a la réfutation des gens de toutes les différentes passions. Et donc, celui qui l'a mémorisé, hein, qui le connaît bien, eh bien, il n'aura pas besoin de beaucoup d'autres livres pour réfuter les gens d'innovation. Donc, il faut réfléchir beaucoup et méditer sur ce livre-là. Et si tu le fais, tu vas trouver donc des choses claires, des preuves. Et il y aura des indications de cela, Inch'Allah. Et pour terminer, le Cheikh Al-Fawzan, il fait un petit commentaire. Il dit, وَأَبْوَابُ الْكِتَابَ الْبَاقِيَ كُلُّهَا فِي هَذَا النَّوْعِ يعني بَيَانٌ لِلْتَوْحِيدِ وَالنَّهْيُ عَنِ الشِّرْكِ مِثْلُ لِبْسِ الْحَلْقَةِ وَالْخَيْطِ والتبرك بالأشجار والأحجار والطيرة والسحر والكهانة وكل الأبواب الآتية في التوحيد وتفسر لا إله إلا الله فهي امتداد لهذا الباب وكل كتاب التوحيد يدور على بيان التوحيد وبيان الشرك حتى يتضح للناس فهذا الكتاب من أعظم الكتب نفعا لأنه بيّن التوحيد وبين الشرك لا من قول فلان أو علان وإنما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il termine ce chapitre en clarifiant les propos qu'on vient de lire. Il dit donc que dans le reste des chapitres de Kitab al-Tawhid, il y a la clarification du Tawhid et l'interdiction du shirk. Et il donne des exemples de certains chapitres, comme par exemple le fait de porter des colliers ou des cordes, ou de chercher la bénédiction dans les arbres et les pierres, ou bien le fait de croire en des mauvais présages, ou bien des superstitions, le fait de pratiquer la sorcellerie, le fait de prétendre connaître l'avenir ou la voyance, et ainsi de suite. tous ces chapitres-là font partie du tawhid et clarifient la signification de la ilaha illallah, et ça découle donc de ce chapitre-là. Donc tout qu'est-ce qu'il y a dans le kitab tawhid au complet, ça tourne donc autour de la clarification de la réalité du tawhid et d'expliquer ce qu'est le shirk jusqu'à ce que ce soit clair pour les gens. Et donc ce livre-là fait partie des livres qui sont parmi les plus bénéfiques. Et il dit, parce qu'il clarifie le tawhid et il clarifie le shirk, et non pas de la parole d'un tel ou d'un tel parmi les hommes, mais plutôt directement tiré de la parole d'Allah et de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire que ce n'est pas un livre de philosophie dans lequel tu vas trouver des gens qui parlent selon leurs opinions, et qu'un tel il dit, un tel a dit, un tel a pensé, ou un tel pense, ou un tel dit, ou un tel dit, contrairement à ce que tu retrouves dans les livres des gens de Ahlul Kalam, hein, qui ne font que ramener leur opinion, et tu ne trouves même pas de dalil, ni du Coran, ni de la Sunna, c'est juste un tel a dit, tel philosophe a dit, tel philosophe a dit. Ça, ce n'est pas des preuves. Tandis que Kitab al-Tawhid, du début jusqu'à la fin, c'est tout « Qala Allah »,« Qala Rasulullah », قال الصحابة قال العلماء. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre chose. Là-bas, c'est tiré directement dans les textes. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la suite, le chapitre suivant, au prochain cours. C'est le chapitre numéro 7. Bi'idhnillah, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته